en cagnotte sur les Kinder Délices Cacao pour l'achat d'un lot de deux fois d'y goûter. Moins 70% Franck, c'est bien, hein? Par contre, arrête d'accuser tes enfants d'avoir tout mangé. On sait que c'est toi. Vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent 70% en cagnotte sur les Kinder Délices Cacao. Et les goûts échangent. Auchan. Montant crédité sur votre compte Wahoo, offre valable jusqu'à mardi. Voir conditions en magasin. Pour votre santé, évitez de grignoter. Être à la fête, expression française qui signifie que pour l'anniversaire de la Redoute Intérieure, vous allez pouvoir réaliser tous vos projets déco. Jusqu'à moins 40% sur la maison, la literie et même l'électroménager. Alors ne choisissez pas entre le salon ou la chambre, refaites les deux. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année, même sur les volumineux, avec La Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Il n'y a pas une minute à perdre. Mais oui, c'est la dernière semaine du mois Carrefour avec 70% d'économies sur plein de produits. Comme sur le café moulu pur arabica carte noire. Non mais 70% d'économies. Résultat des courses, la journée commence bien pour moi et pour mon porte-monnaie. Le mois Carrefour, c'est bientôt terminé dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Jusqu'au 15 octobre, profitez de 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur plein de produits. Carrefour. 4 x 250 grammes, modalité et liste des produits sur carrefour.fr. 9h du matin, c'est Fun Radio. On va revenir dans 3 minutes en direct, les amis, juste après les infos. Il y aura le top 3 d'Eliott et à 9h15, le contest FIFA 19 avec Malik Bentala. Tout de suite. Fun Radio. 2 minutes d'infos avec Camille Cazeneuve, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Alors une météo encore super estivale sur la moitié nord de la France, il fera beau et chaud. Par contre, si vous êtes dans le sud, mauvaise nouvelle pour vous. Encore des averses avec des orages, certains départements sont toujours en vigilance, on en parle au début de ce journal. Et attention car la pluie va se déplacer vers le nord-ouest dans la journée. Pour les températures ce matin, entre 10 et 20 degrés. Dans le détail cet après-midi, il fera 21 à Rennes, 23 au Havre, 24 à Bordeaux, 25 à Grenoble et 26 degrés pour Paris. On continue donc avec la météo. 6 départements sont en alerte orange. Les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Tarn, l'Aveyron et le Gard. Une vigilance qui concerne les fortes pluies et les orages. Le risque d'inondation est assez important. Soyez prudents. Un conseil des ministres sans remaniement. L'Élysée a confirmé ce matin qu'aucune annonce ne se fera avant le conseil des ministres de ce matin. Tous les ministres sont donc convoqués à 10h à l'Élysée. Le remaniement reste en attente une semaine après la démission de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur. Les facs et les assos étudiantes signent une charte aujourd'hui. C'est pour sécuriser les week-ends d'intégration et limiter les risques pendant ces soirées. L'année dernière, un jeune étudiant était décédé après avoir bu trop d'alcool lors d'un week-end d'intégration en Bretagne. 2 mois après le clash Boubacaris à l'aéroport d'Orly à Paris, le tribunal de Créteil a rendu son verdict hier. Résultat, les deux rappeurs ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis. Ils ont aussi une amende de 50 000 euros. Ce matin, Malik Bentala est l'invité de Bruno. Juste après l'émission, Malik et Bruno s'affronteront sur le jeu FIFA 19, un défi lancé par Malik lui-même. Toute la partie sera à suivre en live sur la page Facebook de Bruno dans la radio. Et puis un autre rendez-vous aujourd'hui sur Fun Radio, c'est ce soir à minuit dans Party Fun. Adrien Thomas reçoit Petit Biscuit. Le DJ fera un point sur son actu et surtout il présentera son nouveau titre. Il sort demain. Il est 9h03 sur Fun Radio. Vous écoutez Bruno dans la radio. Très bonne journée. C'est le 10 octobre, 9h03, on est en direct comme chaque matin dans toute la France, dans le monde entier via funradio.fr. Bonjour. Le son dance floor de Fun Radio dans la demi-heure, Lou 2 avec Missing You et Kungs avec Be Right Here. Et puis les amis, ce matin, nous avons le seul, l'unique, Malik Bentala qui est avec nous ce matin. Malik Bentala, vous pouvez pas vous tromper. C'est le gars, tu vois, quand on l'appelle pour faire rendez-vous en terre inconnue, c'est le seul gars qu'on amène chez lui. C'est-à-dire que... Quelle angoisse. C'est-à-dire qu'il y a des gars qu'on amène chez les peuples mongols, il y a des gens qu'on amène au fin fond de la Nouvelle-Zélande, et puis il y a des gars qu'on amène à Bagnoles-sur-Cèze. Totalement. Dans ta ville de naissance. Totalement. Mec. Je suis parti dans les Cévennes, à 15 minutes de chez moi. C'est j'ai fou. Fait terre inconnue en TGV. Voilà, tout simplement. J'ai dormi chez mes parents la veille du départ. C'est ouf. Ah non, mais ça n'a aucun sens. Vraiment, tu vas chez Frédéric Lopez dans son bureau, il y a des photos de Zazie en Amazonie, il y a des photos de Virginie Efira en Antarctique, il y a une photo de moi chez moi. Vraiment. Mais c'était super, c'était une belle aventure. Toi, t'es originaire vraiment de Bagnoles-sur-Cèze. Ouais, du Gard, exactement. Hop, petite anecdote, retour dans le temps, les amis. Wow. On venait de revenir de vacances. Première émission ou deuxième émission, fin août, en direct sur Fun Radio. T'as pas eu de problème de location de vacances cet été, Christina? Non, moi, tout s'est bien passé. Simplement, la ville n'était pas aussi idyllique que j'avais vu sur Google Maps. C'est tout. En fait, j'étais dans le Gard. Et donc, j'ai choisi. La maison était superbe. Rien à dire sur la maison. Mais la ville autour, c'était vraiment pas très joli. C'était quoi la ville? C'est pas sympa pour les habitants, mais c'est balance. Bagnoles-sur-Cèze. C'est vraiment pas terrible. Et du coup, on est resté à la maison, quoi. Je suis désolée, Malik. Non, mais connasse. Non, mais vous. Je suis désolée, hein, moi aussi, hein, mais vraiment, Christina. Non, mais. Alors, je suis désolée, Malik. J'avais continué. En fait, tout ce qui était autour, c'était hyper joli. Genre, Roque-sur-Cèze, tout ça, c'est magnifique. Mais Bagnoles-sur-Cèze. Mais c'est comme si je te disais, tous les habits que t'as, c'est super bien. Mais porter, ça fait pas. Non, mais je suis désolée, mais. Non, je déconne. Mais je comprends ce que tu veux dire. Bon, d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. C'est une ville qui est. Elle a du charme, peut-être. Il faut la connaître. C'est une ville de l'inter. Non, mais c'est une ville assez. Comment dire? Assez pas très ville. Attends, mais si même toi, t'arrives pas à la défendre, ouais, c'est une belle ville, mais bon, c'est une ville où tu t'ennuies un peu vite, et puis c'est assez urbanisé, on va dire. D'accord. Voilà. Mais en même temps, s'il n'y avait le pas quartier, eu ça. Frère, on vient des quartiers. Hein, mais... tu m'étonnes, le Gard représente là-bas, le danger Gard, là-bas dans le Gard, frère. Et évidemment, mais de toute façon, c'est une très belle ville. Tous les Gardois. Les plus gros. Les thugs, ils viennent du Gard. Bien sûr. 50 Cent, ça s'est passé où? Mais Booba, il rencontre dans le Gard. Booba Karis, c'était où? C'était à Alès même. Mais d'ailleurs, je ne vois pas Bagnoles-sur-Cèze dans toutes les villes de ta tournée. Il a réussi à partir, il va pas y retourner. C'est pas gentil. En revanche, tu vas faire vraiment une grosse tournée qui démarre là, qui a démarré cette semaine. Exactement. L'Olympia, c'est complet, on le disait, donc fin octobre. Tu seras au Dôme de Paris, donc à Paris du 14 au 16 mars. On va vous mettre toutes les dates C'est quand le Palais des Sports? Du 14 au 16. Après, tu vois, par exemple, tu seras à Montpellier, et je le dis de tête, le 29 janvier. Ouais. Si vous êtes à Montpellier, ça marche. Je te dis une date au hasard. J'y serai quand, à Bordeaux? À Bordeaux, mec, je vais te le dire tout de suite, il sera le 1er février. Yeah. Et ça te ferme tout par cœur. Ça te ferme bien ta gueule ou pas? et à Plougastel? Alors, à Plougastel, tu y vas vraiment à Plougastel? Bien sûr qu'il est là à Plougastel. Le 9 novembre. C'est un peu plus vrai. Si, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Et au Zénith de Rouen. 9 novembre. 9 novembre, Zénith de Rouen? Non, plus Gaston. Non, Zénith de Rouen, c'est le 27 mars, mec. Waouh, t'es fort. Bravo. Bravo. Le mieux, c'est qu'on vous met toutes les dates sur le site de funradio.fr et puis on va le mettre également sur notre page Facebook. Malik, ce que je te propose, c'est que tu ailles t'installer sur le petit canapé prévu à cet effet. Attends, tu peux pas faire monter la sauce depuis 3 mois comme ça et faire un truc sans musique, sans ambiance, sans rien, en me disant tu vas t'asseoir. Là, c'est le moment, this is it. Ok, coupez la musique. Voilà. Depuis 3 semaines. Voilà. Je suis parti. Dans l'Est. Oui, l'Est. Strasbourg. J'ai passé l'Oural, mec. Je me suis entraîné. L'Oural de français ou de... Il n'a pas parlé de toute l'émission. Et boum. Mais boum. C'est le Baffy de Fun Radio. Non, monsieur Baffy, des bonnes vannes, il en fait dans chaque émission. Nous, c'est une fois par an. On sait que là, on l'a eu, c'est niqué. Je suis content que tu aies assisté à ça. Bon, les amis, dans le coin gauche, nous aurons dans quelques instants, face à sa console de jeu, Malik Bentala, le cogneur de la scène, le sniper de l'humour, le 50 Cent de Bagnoles-sur-Cèze. Dans le coin droit, accusant 65 kilos à la pesée, il triche un peu mais il vous emmerde, le tapeur de Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime, l'éloquence du micro de Fun Radio, quoique j'ai mis éloquence et Fun Radio dans la même phrase. Pas possible. C'est une connerie. Bruno Guillon. Un petit peu le McGregor de la bande FM, quoi. Bien sûr. Fais bien gaffe à ton cul, Ben Talash, tiens à te le dire. Ah ben, je suis dans le showbiz depuis longtemps, donc tu t'imagines bien que je fais attention. À titre personnel, je tutoie Laurent Broumède, mec. Donc fais bien attention. J'ai le portable d'Yvan Attal. Non. Eh oui. On va se faire ce petit contest dans quelques secondes. Allez sur Facebook, le Facebook de Fun Radio, le Facebook Bruno dans la radio. Le temps du top 3 d'Eliott. Le top 3 d'Eliott. Les 3 meilleurs moments de l'émission compilés par Eliott, c'est le top 3. Numéro 3. Et le matin, vous le savez, vous pouvez nous raconter tout et n'importe quoi. On a eu Mylène, 33 ans, qui était conseillère clientèle pour un service de presse religieuse pour seniors. Bon, elle devait avoir du coup plein d'appels de vieux qui lui posaient des questions, écoutez. Ouais, mais, alors, mais du coup, t'as que des vieux qui t'appellent. Que ça. D'accord. À en mode fan, de 65 quoi. Ans jusqu'à mon âge. Est-ce que c'est moi de vous demander ça? Mais il est sympa, Jésus en vrai. Il paraît qu'il a une grosse tête. Il est plus petit que sur la Bible, non? Excusez-moi. C'est pas mon boulot. J'ai lu dans la Bible que Jésus multipliait les pains. Ce serait peut-être bien qu'il se manifeste maintenant, parce qu'avec Bernard, c'est Bernard, Emmanuel, François Macron, je sais plus. On n'arrive plus à manger à sa femme. Dame. Si vous pouvez nous multiplier la baguette, ça vous arrangerait bien. Allez, vous ferez une petite bise. Numéro 2. Numéro 2. Il nous a dit que les lunettes Aviator de chez Ray-Ban rendaient beau. Ouais, c'est une étude. Oui. C'est l'accessoire de mode. T'en as, toi, des lunettes Aviator ou pas, Manu? Moi, je trouvais que ça faisait un petit peu ringard. Bah, moi aussi. Et moi aussi, et bah, surtout effet miroir. Ouais, j'étais persuadé que c'était ringard. Et en fait, visiblement, c'est le nouveau truc. Là, les meufs, elles craquent sur les lunettes. Ouais, genre, quand tu les mets, t'es sexy en 2 secondes. C'est l'étude qui le dit. Mais ouais. Ben Allah, il en a. Ben Talah, il en a pas. Ben Talah, il en a pas. En tout cas, avant de nous dire ça, t'as essayé de nous faire jouer, écoutez. Il y a une info qui est tombée ce matin. J'ai envie de vous en parler là. Qu'est-ce qui peut rendre un homme sexy en 2 secondes? Il y a un truc, c'est un accessoire. Je viens de tomber ça. Je suis tombé sur ça sur le journal. Ce qui me paraît très bizarre, c'est que le truc a 1200 ans. Mais il paraît qu'un mec met ça et boum, il devient sexy. Ah, un accessoire, 1200 ans? Je sais. C'est ce que t'as sur toi là en ce moment. Comment ça s'appelle? Les trucs de costume, mais il n'y a pas de manches. Un gilet? Un gilet de costume. Ah, tu le trouves sexy? C'est vrai que c'est gênant. Mais oui, je trouve que sur la plupart des gens, ça les rend hyper sexy. Mais dire quoi? Ça veut dire sauf moi? C'est chiant. C'est soit j'ai envie de te ken, soit tu me fais vomir. Mais non, il y a un entre-deux. Non. Je te ken et après je vomis. Mais c'est vrai que dès que tu... Il y a des mecs qui mettent un gilet comme ça, tout de suite, c'est la classe. Ouais, ça fait... Moi, je mets un gilet, tu vois, bah, comme Malik quand il est arrivé, mec, sers-moi une limonade. Ça, ouais. Ça fait serveur un peu. Mais bon, c'est un serveur classe, dans un bon restaurant. Bien sûr, bien sûr. T'inquiète. Oublie pas que le serveur, il te paye avec ses pourboires. Là, allez, numéro 1. Numéro 1. Ce matin, on a remboursé la facture de Coralie à 8h10. Coralie de... Besançon. Exactement. Ça vous a inspiré pour faire une chanson? J'ai l'impression qu'en ce moment, cette émission, c'est un jour une chanson. Mais... On a improvisé, on a testé. Malik, tu sais ce que c'est. Des fois, l'improvisation, ça peut être génial. Et puis, des fois, ça peut donner ça. Voilà, la chanson sur Besançon. Si un jour, je veux pas mourir quand je vais à Besançon. À Besançon. Je monte une boîte, je fais plein de pognon. À Besançon. Mais c'est que ces cons n'ont jamais visité Besançon. C'est comme ça qu'on l'appelle pour les intimes. Attention. Besançon, au bout de la nuit. Où ça? C'est une ville de folie. À 2h du matin, y'a plus rien. On bloque toujours sur le refrain. Vous êtes pris un petit mur là. Ouais, on débute. C'était la merde. Au début, c'était bien, et ouais. Après, c'était la merde. Mais tu sais, on pourrait peut-être imaginer la même chose, parce que je trouve qu'on a un peu sali la réputation de Bagnoles sur 16. Oui, merci beaucoup, Bruno. Et moi, je me dis, vacher, on pourrait peut-être faire une chanson pour Bagnoles sur 16. Ouh là là, pour se rattraper, genre. Ouais, pour se rattraper. Okay. C'est qui tout double, là? C'est qui tout double? Moi, je dis, qui tout double? Moi, j'ai déjà une idée de ce que ça va pas, donner. Je sais même pas quelle musique je vais envoyer. Et je vais le garder pour moi. Allez, j'envoie ça. Allez, on peut. Ah oui! Ah ouais! Ah ouais. Ah ouais. Ok. Vas-y. Et si tu crois que Poitiers c'est bien, c'est faux. Ah, y a l'imitation plus. J'y suis allé, y avait plus rien. J'ai trouvé ça trop. Y a même des dardis, des jiffies. c'est chaud. Bagnole sur 16, je te le dis, tu trouves de tout. Si on allait à Bagnole sur 16, c'est comme partir dans les étoiles. Tu vas trouver ça vachement beau. Et le maire de Bagnole sur 16 est tellement naturel. Une fois il a lâché un vent. Mais les rimes sous le vent. Et ça faisait double vent, Mistral. Il s'est arrêté, mal, il est parti. C'est trop. Il s'est barré. J'ai sorti. Ah bon, c'est fini. Moi j'étais sur scène là. Mais faut faire des rimes dans une chanson. Vaché, il était à Bercy. Mais moi je sais que là je suis au summum de ma carrière, donc je profite. Tu vois, ça ira pas plus loin. Les amis, rendez-vous sur facebook.com/Bruno dans la radio ou la page officielle de Fun Radio. Dans moins de 3 minutes, on se fait ce petit contest FIFA 19 avec Malik. Le temps de vous rappeler que Malik est sur scène, il est en tournée dans toute la France, mais pas que. Il y a également la Belgique, il y a également, il y a de la Suisse aussi. Il y a de la Suisse, ouais, j'ai Genève en janvier. J'ai vu de la Suisse. Ouais. Toutes les dates, on vous les met sur funradio.fr. Mille merci, mon Malik. Merci à vous, on est toujours bien reçu chez Fun. D'être venu ce matin, c'est un plaisir de t'avoir. On ira t'applaudir. Merci. Vous vous rendez sur Facebook, les amis, si vous vous dites que ce matin c'était n'importe quoi, demain ce sera pire. C'est moi, le roi. Mika le châtelain est avec nous. Comment ça va, mon Mika? Eh ben ça va bien, la famille, vous êtes très très fort. Moi je pensais même que Malik allait chanter sur cette chanson quand même. Mais non, non. Malik, il a beaucoup de qualités, mais le chant, on a dit non. On a dit non. Le chant et le stylisme, c'est deux trucs qui... Voilà, c'est le problème. Cela dit, on nous avait dit non à nous aussi et on l'a fait. Peut-être plus sur le stylisme que sur le chant. Bon, on va revenir demain à partir de 6h. Tout ce que vous avez écouté, que vous avez kiffé ou pas, si vous êtes mazo, vous pouvez le réécouter. Vous téléchargez l'application Bruno dans la radio, elle est gratuite. Vous avez tous les podcasts. Et rendez-vous sur le Facebook de Bruno dans la radio maintenant. Là, tout de suite, là, dans deux minutes. Très bien, à suivre le match en direct. On attaque le 9-12, nous, sur Fun Radio dans quelques secondes. Canet Chouga, nouveauté Fun Radio. Et Loud maintenant pour attaquer. Bisous la famille, à demain. Ciao. Bisous. À bisous. Demain pour ta dernière. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Marois de son prénom. Thinking about you, or thinking about your chest beating under my head like it should be. Thinking about you, or thinking about how I know you had to go. The city lights just ain't your home, and I keep thinking maybe I've moved on. But baby, when I hear you whisper after the tone, I keep missing you too much. Live without you. Kiss so pure, so sweet like maple. Can't live without you. Can't live without you. I know you had to go. The city lights just ain't your home. And I keep thinking maybe I've moved on. But baby, when I hear you whisper after the tone, I keep missing you too much. We'll be right back.

Fun Radio. Fun Radio. Le pensé a été una noche, mais dame et dame una noche. Si mais à deux, on viserait le sommet. Et j'suis ennuyé, toi t'es enjoué. On fera comme à la télé, personne pour nous téléguider. Et on irait à Monaco, Porto Rico. On laissera ton boss et ton passé dans le rétro. À deux on fait la paire, un peu comme dans Django. Mano dans la mano. Mojito sur la playa, oublier sa papaya. Cigario de Havana, à la Tony Montana. Et même parti de rien, on ferait la remontada. On fêtera le million à Bali ou Panama. Mojito sur la playa, oublier sa papaya. Cigario de Havana, à la Tony Montana. Et même parti de rien, on ferait la remontada. On fêtera le million à Bali ou Panama. Yeah. Difficile. On a des hanches et tu m'as pris pour cible. J'suis pas d'humeur à rigoler ces temps-ci, mais j'appuie ta truc, il est pas insensible. Et viens, j'te fais la cour comme un Napolitano. Viens, j'écrase mes adversaires comme si j'étais Rambo. C'est toi qui passes les vitesses, on ira crescendo. On les fera tous tomber comme des dominos. Mojito sur la playa, oublier sa papaya. Cigario de Havana, à la Tony Montana. Et même parti de rien, on ferait la remontada. On fêtera le million à Bali ou Panama. Mojito sur la playa, oublier sa papaya. Cigario de Havana, à la Tony Montana. Et même parti de rien, on ferait la remontada. On fêtera le million à Bali ou Panama. Yeah. Quand j'irai tout dolce. Mais je dis pas que je suis prêt à tout assumer. Et assumer et, yeah, et. Arrête un peu de jouer la montre. Avec toi j'irai tout dolce. Una noche. On est en plein dans les Fun Radio DJ Awards. La cérémonie qui va récompenser les plus grands DJ mondiaux en direct d'Amsterdam. Remise des trophées dès le 18 octobre. Là pour l'instant, c'est à vous de voter, funradio.fr. Et pourquoi pas pour DJ Snake? Bah ouais, meilleur DJ français. Funradio.fr, allez-y, DJ Snake, il arrive dans moins de 3 minutes. Et Kungs aussi. On est prêt pour attaquer plus de 40 minutes de Sur Dance Floor non-stop sur Fun Radio. La seule émission mixée en France. Du lundi au jeudi. C'est le Before Party Fun. De 19h à 20h, c'est du mix en direct sur Fun Radio avec le Before Party Fun. Yeah. Des platines allumées. Une playlist fraîche. Et les meilleures nouveautés dance. Le Before Party Fun, JB au micro, le son Dance Floor, mixé par Adrien Thomas, 19h, 20h, uniquement sur Fun Radio. C'est ça le Before Party Fun. Salut, c'est Bruno. Job, taf, emploi, boulot, vous galérez pour trouver du travail. Avec Temporis, on va vous aider. Alors affûtez vos CV, téléchargez l'appli Temporis et inscrivez-vous. Et comme on ne fait pas les choses à moitié, rendez-vous tous les jours dans mon émission pour tenter de gagner un scooter. Pratique pour aller bosser, non? Alors c'est qui le patron? Temporis, premier réseau national en franchise, intérim et recrutement. Conditions sur funradio.fr et temporis.fr.

C'est Fun Radio, c'est Mika. Le match sur FIFA entre Bruno et Malik est fini. Ça y est, vous avez le replay sur la page Facebook de Bruno dans la radio. Malik a gagné. C'est donc Malik qui va animer une matinale de Bruno dans la radio. Rendez-vous sur le Facebook de Bruno, vous avez toutes les infos. Là, sous ma voix, oh, ça c'est fort. Tayo Cruz, instant classique dans le 9h midi sur Fun Radio. Montez le son, ça. Came to move, move, move, move. Get out the way of me and my crew, crew, crew, crew. I'm in the club, so I'm gonna do, do, do, do. Just what the folk came here to do, do, do, do. Yep, yep, 'cause it goes on and on and on. Commence sur Fun Radio. Dimitri Vegas and Like Mike. Kicker. Offenbach. Offenbach. La radio qui vous joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah, you're smiling and taking my baseball cap. Something about a room for two. Oh, honey, I do it.

French Touch touche française. Pour Twingo Life SCE 70, sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 12 ans et d'éligibilité à l'écoprime Renault de 800 euros et gouvernementale de 1000 euros déduite. Offre valable jusqu'au 31 octobre. Voir Renault.fr. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, chez Conforama, il y a jusqu'à moins 40% sur les cuisines. Oui, jusqu'à moins 40% sur tous les styles et tous les coloris. Pour enfin vous offrir la cuisine de vos rêves. Conforama, jusqu'au 19 novembre, conditions en magasin et sur Conforama.fr. Nero Giardini, style et élégance. Chaussures et accessoires, Nero Giardini, le made in Italy. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron. Alors t'es en Bretagne? Ah presque, je suis chez Lidl. C'est la semaine des saveurs régionales. Et en ce moment, le gâteau breton, le Queen Amman Pure Beurre, est à 4,35€ les 400 grammes. Et inédit chez Lidl. 4,35€ le Queen Amman Pure Beurre. Oh, du Queen Amman, du Queen Amman. Oh bah c'est bon patron, arrêtez de couiner, je vous en ramène du Queen Amman. Ouais bah fais vite hein, parce que là je suis très mal. Et très mauvais comédien. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 10,88€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, évitez de grignoter. Restez connectés avec la famille Fun Radio. Fun, fun, fun. Fun Radio, c'est Mika, c'est le 9-12. Bonjour tout le monde, la suite, que des DJ 100% Fun Radio. Coombs, ça arrive, Martin Solveig et Calvin Harris, maintenant. Plus de 40 minutes de son dance floor. Non, stop.

sweet, my dan. Weep on the bed, on the street, my dan. Never know what's so the thing tight for real, my dan. Better lift her up on the big divan. But are you? Who run the place right now? Who are represent straight for every island? You all are the man, them won't get the mansion. My baby, where you get it from? How you do it, sir? Every time, that time you make me speak, sir. Every time, that time you make me speak, sir. Every time, that time you make me speak, sir. Bite your lips, sir. Wine pon the rhythm like calypso. My eyes shine bright like a disco. Your nose on my bad before the intro. How you do it, sir? How you do it, sir? Fun Radio, c'est ma radio. I'm Tiësto, and my favorite radio is Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor.

Seul animateur au monde qui paye vos factures et il est chez nous sur Fun Radio. Ouais, je me la pète, il s'appelle Bruno. Tous les matins, 7h10, 8h10, il paye vos factures. Il suffit d'envoyer la vôtre ou les vôtres facture@funradio.fr. Je sais pas, genre un petit resto avec votre chérie, voilà, j'en sais rien. Envoyez tout ça, facture@funradio.fr. Rendez-vous demain. Bonne chance. Nouveau DJ Snake dans 3 secondes et Loud Luxury maintenant. Babe, don't make a sound. 2 AM low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking down. You wanna ride in the six, you wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my, losing all my innocence.

la même. T'es entré dans ma vie, oh ma liberté chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. T'es entré dans ma vie, oh ma liberté chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Bitches.

ce temps chez Renault. La French Touch Renault fait son palmarès. Meilleur son, Clio Trend avec la Radio Connect Erengo. Meilleur décor, Clio Trend et son décor extérieur chrome. Et prix du meilleur prix, encore Clio Trend. À partir de 129 euros par mois avec Easy Pack, entretien et garantie inclus pendant 4 ans. Portes ouvertes du 11 au 15 octobre. French Touch touche française. Pour Clio Trend, TCE 75 LLD 49 mois avec un premier loyer de 1500 euros jusqu'au 31 octobre si accordiaque. Voir Renault.fr. Fun Radio. Like all you need.

Vous savez quoi, je pense que vous avez tellement kiffé ce morceau, sans déconner, je pense que sur Fun Radio, vous avez même pas eu le temps de le shazamer. C'était Polaroid, le nouveau Jonas Blue avec Liam Payne, très très fort. C'est Fun Radio, c'est Mika, bonjour tout le monde. À midi, c'est Fred qui s'installe juste avant Cédric Gervais en nouveauté. Et voilà Clean Bandit sur Fun Radio dans le 9-12. I do it so.

chante pour oublier. Ah oui, d'accord, ok. Bah nous, on va pas l'oublier, hein. Mika, qui a fait sa avant-dernière émission aujourd'hui. Ouais, franchement, et demain, je vais chialer. C'est vrai? Fred, ouais, je ramène des mouchoirs. Ah ouais, je vais pleurer, je vais pas être bien. On fait un pot et tout, hein. Je ramène du coca, tout ça. Hein. Que du coca. Ouais, que du coca. Je serais pas là, non. Non, mais on voilà. Ne parle pas des problèmes d'alcool à l'antenne, Fred, j'ai déjà dit. Loupez pas, demain, à partir de 9h, dernière émission de Mika sur Fun Radio avant de nouvelles aventures. Ouais, bisous, mon poulet, à demain. Et puis là, je démarre maintenant le son de Kung sur Fun. Du bonheur a laissé quelques traces chez moi. S'inviter à pas d'heure et ce même quand je touchais du bois. On ne croupira pas là que me chantait mon petit doigt. Pour leur maman dit qu'on n'a pas trop le choix. Elle m'a dit laisse passer gentiment. Elle m'a dit laisse passer. N'était pas là, voilà que maman s'en est allée. Ma vie c'est pas la joie, mais je ne vais pas vous en étaler. Le frérot l'a senti, lui a vite préféré d'étaler. Mais bon, je suis grand, moi je ne vais quand même pas chialer. Il m'a dit laisse passer. Listen.